une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ne sont-ce pas mes frères ? Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre ? Criait la barbe bleue. Encore un moment, répondit la femme, puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont encore bien loin. »« Dieu soit loué !» s'écria-t-il un moment après. « Ce sont mes frères. Je leur fais signe, tant que je puis, de se hâter. » Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et se jeta à ses pieds tout éplorée et échevelée. « Cela ne sert à rien, » dit Barbe Bleue, « il faut mourir. » Puis la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se réconcilier. « Non, non, » dit-il, « recommande-toi à Dieu. » Et levant son bras, dans ce moment, on heurta si fort à la porte que Barbe Bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et soudain on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à Barbe Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon, l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent et l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leurs épées à travers le corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, n'ayant pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe Bleue n'avait point d'héritier, et ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur, Anne, avec un jeune gentilhomme, dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie a acheté des charges de capitaine à ses frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier les mauvais temps qu'elle avait passés avec la Barbe Bleue. Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours, mille exemples paraître, c'est n'en déplaise au sexe un plaisir bien léger. Dès qu'on le perd, il cesse d'être, et toujours il coûte trop cher.